Chapitre 29. Subvenir aux besoins des musulmans. Allah Ta'ala dit: et faites le bien, peut-être réussirez-vous. Sourate 22, verset 77. 244. Selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui et ne le livre pas à ses ennemis. Allah pourvoira aux besoins de celui qui pourvoit aux besoins de son frère musulman. Allah dissipera le jour de la résurrection l'un des soucis de celui qui aura soulagé un musulman d'un des soucis de ce monde. Et Allah couvrira le jour de la résurrection les défauts et les péchés de celui qui aura couvert ceux d'un musulman. Al-Bukhari et Muslim. 245. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui soulage la peine d'un musulman ici-bas, Allah lui soulagera une peine le jour de la résurrection. Celui qui aide une personne en difficulté, Allah l'aidera ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui couvre les défauts et les péchés d'un musulman, Allah couvrira les siens ici-bas et dans l'au-delà. Allah soutient son serviteur tant que celui-ci soutient son frère musulman. Celui qui emprunte une voie à la recherche du savoir, Allah lui facilite une voie vers le paradis. Nul groupe de gens ne se rassemble dans l'une des maisons d'Allah Ta'ala pour réciter le livre d'Allah et l'étudier ensemble sans que la sérénité descende sur eux, la miséricorde les couvre, les anges les entourent et qu'Allah les mentionne à ceux qui sont auprès de lui. Et celui que ses actions retarderont ne pourra se rattraper par son lignage. Muslim.